Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver sur nos ondes et voici tout de suite les grands titres de ce journal parlé en français. Nous sommes le 25 août 2017. Le ministre des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement demande au directeur général de l'Eutraco de sursoir à la mise en application des nouveaux tarifs de contrôle technique des véhicules. De quoi réjouir le président de l'organisation de lutte contre la corruption, Olucom, Gabriel Ruffieri, que vous entendrez dès le début de ce journal. La corruption qui, de l'avis du président de l'organisation Parsem, est devenue une pratique courante dans les institutions étatiques burundaises. Faustin Dikuman a fait cette observation 7 ans après la déclaration de la tolérance zéro contre ce fléau par le président de la République. Un jeune garçon de 14 ans a été tué hier soir à coup de machette sur la colline de Mukungu en commune Nyanzalax et dans la province de Makamba. L'auteur du forfait, son oncle paternel, a immédiatement été arrêté pour des poursuites judiciaires. Et dans le reportage du jour, nous irons à Marambo en province Chibitoke. Là-bas, l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU, est en train de multiplier des vaches de qualité afin de les distribuer aux éleveurs en vue du développement du secteur agro-pastoral dans la région. Léon Suitariho y a été pour nous. Il est de retour. Rendez-vous à la fin de cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, je venais de vous le dire, le ministre des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement demande au directeur général de l'Eutraco de sursoir à la mise en application des nouveaux tarifs de contrôle technique des véhicules en attendant que le dossier relatif soit bien analysé et approfondi dans une correspondance adressée aux concernés par le ministre Jean Bosco Nzuenimana. Il demande au directeur général de l'Eutraco de préparer minutieusement ce dossier en se basant sur les équipements à la disposition de l'Eutraco et à la qualité des services rendus aux bénéficiaires. Ce dossier fera objet d'analyse au Conseil des ministres, a tenu à préciser le ministre des Transports. Et l'organisation Olucom salue ces décisions du ministre des Transports de sursoir à cette mise en application des nouveaux tarifs de contrôle technique des véhicules. Le directeur général de l'Eutraco avait indiqué que cette hausse s'inscrivait dans le cadre de l'harmonisation de ses tarifs avec ceux des autres pays, notamment de l'EAC, l'East African Community. Le président de cette organisation dit que les motifs avancés par le directeur de l'Eutraco pour revoir à la hausse ses tarifs, ces tarifications ne sont même pas fondées. Gabriel Ruffieri ajoute qu'il s'agissait d'une mesure qui viole la Constitution. Suivez-le. Une réaction de joie parce que l'Olucom avait à maintes reprises montré que cette mesure est une mesure injuste, illégale et irrégulière. C'est la raison pour laquelle l'Olucom avait refuté tous les arguments qui étaient avancés par le directeur général de l'Eutraco. Il disait que donc il a revu à la hausse les tarifs de contrôle technique à 69% pour harmoniser les prix de l'EAC. Donc on lui a dit que cet argument n'est pas du tout fondé dans la mesure où le niveau de revenus des citoyens du Burundi et ceux de l'EAC ne sont pas les mêmes. On ne peut pas en aucun cas faire un parallélisme en matière de revenus de ces pays de l'EAC. Deuxième chose, c'est par rapport à l'illégalité, la mesure qui a été prise n'avait pas respecté les lois de la République, à commencer par la Constitution, la loi budgétaire, la loi organique des finances publiques et la loi régissant les administrations publiques et personnalisées comme l'Eutraco. Pour qu'il y ait augmentation des taxes, donc toute autorité doit d'abord vérifier que la loi a été autorisée. En premier niveau, il y a la Constitution, article 159.5-3, qui dit que donc, toute taxe et impôt sont du domaine de la loi. Mais aussi, il y a l'argent qui est collecté par les administrations personnalisées, par exemple comme la direction générale qui s'occupe des prisons. Pour ce genre d'administration personnalisée, ils ne peuvent pas en aucun cas revoir à hausse les redevances administratives du simple fait que c'est la loi budgétaire qui organise ça. Donc, nous voyons que c'était une mesure injuste. C'est la raison pour laquelle, par ailleurs, l'Olucom avait décrié cette mesure. Gabriel Ofieri, président de l'Olucom. Rappelons que les nouveaux tarifs de contrôle technique qui viennent d'être suspendus et qui devaient s'appliquer à partir du 1er septembre prochain étaient répartis comme suit. Voiture, jeep et camionnette, 50 000 francs bout. Les bus, 35 000 francs. Un camion de 3 à 15 tonnes, 70 000 francs. Ceux de plus de 15 tonnes, 100 000 francs burundais. La moto pour 10 000 francs burundais. Sachez que même un compte avait été ouvert à la banque Bancobu à cet effet. Et l'organisation Parsem restait préoccupée par le phénomène de corruption. 7 ans après que le numéro 1 burundais déclarait la tolérance zéro contre ce mal. Dans une conférence de presse ce vendredi, Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, a indiqué que la corruption est devenue telle une pratique courante dans certaines institutions de l'État burundais. Suivez-le. Il y a dans certaines entités administratives où un accord tacite s'érige et pour aller demander un service, les citoyens savent ce qu'ils doivent faire avant d'accéder à ce service. Quant à la grande corruption, c'est notamment par exemple la concussion. Le fait de percevoir des contributions, des cotisations en dehors de toute règle normative. On se demande quelle norme de comptabilité publique qui sera utilisée pour gérer ces fonds. Ce sont des préoccupations qui restent sans réponse. Les marchés publics. Maintenant, les gens donnent le droit d'accéder aux marchés publics sans toutefois qu'il y ait un minimum d'appel d'offres compétitives. On peut se demander, est-ce que le choix de l'entreprise qui assure le monopole de collecte des déchets, quelle compétition a-t-il été organisée? Le choix de l'entreprise qui assure le paiement des services de stationnement. Il y a l'abus des biens sociaux. Le trafic d'influence où les gens, suite à leur position dans l'administration, utilisent les forces pour accéder à des biens, à des choses d'une manière illégale, qui sont au niveau du recrutement dans la justice, à travers l'exécution des jugements, la spoliation de certains biens publics, notamment les terres de manière où les parcelles des autres, le trafic des minéraux, le non-respect des normes de l'environnement et le détournement aussi des fois qui est caché à travers la surfacturation de certains services, notamment à travers la location. On maintient un système interminable de location des immeubles de l'État. Et les gens utilisent des fois des fonds pour construire les immeubles et invitent toujours l'État à louer d'une manière interminable. L'enrichissement illicite, la pratique de déclaration des biens qui est demandée par la loi anticorruption. Est-ce qu'elle est aujourd'hui respectée? C'est regrettable. Le blanchiment. Actuellement, les fonds détournés, on les utilise pour et à des fins sociales, pour se donner une image de bienfaiteur ou de grand investisseur. Je dois dire que la situation vraiment devient de plus en plus inquiétante. Et l'impact et les conséquences de la corruption sur la vie des citoyens sont énormes. On peut les lire même à travers le célèbre discours du président de la République. Au moment de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2012, il avait dit que là où la corruption sévit, il est difficile de parler de développement économique. Que la corruption sape la démocratie, fait le lit des crimes organisés et renforce la violation des droits humains. Faustin Dikoumana demande surtout aux jeunes d'avoir toujours au cœur que le développement d'un pays n'est pas du tout possible lorsque la corruption gangrène encore le pays. Au gouvernement, la Parsem demande à la mise en application de ce qui est sorti des différentes retraites sur la corruption. Encore une fois, Faustin Dikoumana. Avant l'état de la situation, nous demanderons vraiment aux partis au pouvoir qui regorgent beaucoup de cadres, de responsables, d'organiser une retraite pour recentrer les politiques de lutte contre la corruption et donner du tonus nouveau, donner de l'exemple. Parce que, très récemment, mais le secrétaire général du parti avait dit que c'est une nouvelle qui est lancée, qui est inaugurée. Deux, le gouvernement devrait réanimer le processus de lutte contre la corruption, lubrifier la machine anticorruption pour qu'elle soit encore opérationnelle. Tous les moyens sont là. Il y a des recommandations de différentes retraites qui ont été organisées. Il y a par exemple le document de référence, d'orientation pour la municipalité dans un cadre légal très fort dans la lutte contre la corruption, ainsi que la trajectoire d'une bonne lutte contre la corruption qui est tracée à travers ce document. Et aussi sensibiliser la population en général et la jeunesse en particulier de se considérer qu'il constitue un véritable pilier pour vraiment lutter contre la corruption et les malveillances économiques. Parce qu'on ne peut pas continuer à être classé parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète et aussi être porté le standard au niveau de la corruption et les malveillances économiques. Un changement de comportement alors s'impose de la part de tous les citoyens, mais avec justement le capitaine à bord du navire, ça doit être le gouvernement. Faustin Ndikumana, c'est le président de l'organisation PARCEM. Il est 13h, 8 minutes, à Bujumbura et sur l'Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans les nouvelles de Provence, un jeune garçon de 14 ans a été tué à coups de machette et son frère grièvement blessé sur la colline Mukungu en commune Nyanzalak de la province Makamba. C'était la soirée de ce jeudi vers 19h. Les informations recueillies auprès de la population sur place disent que c'est l'oncle paternel de la victime qui aurait commis ce forfait. L'administrateur de la commune Nyanzalak, Jean-Claude Ndouimana, précise que cet homme a été vite appréhendé et se trouve dans la main du parquet pour une poursuite judiciaire. Et 8 bergers ont été appréhendés par les militaires basés dans la réserve naturelle de la Rukoko et ont été conduits au cachot de police à Gihanga. 4 autres personnes ont été arrêtées au début de cette semaine dans cette même forêt et ont été obligées de payer une amende administrative. Les détails avec notre correspondante dans la région, Spescaritas Kabanyana. Capturés par les militaires basés dans la réserve naturelle de la Rukoko ce jeudi. Les autres ont pris le large, comme le racontent les témoins sur place. Ces 8 bergers ont été donc embarqués dans un pick-up militaire et conduits à la police judiciaire de Gihanga et par après, ils ont été transférés vers Bouanza dans la soirée de ce jeudi même. Les éleveurs propriétaires des vaches qu'ils gardaient les ont récupérés tard dans la soirée dans la Rukoko à la 8e transversale. L'un de ces éleveurs nous a raconté que ces bergers avaient conduit ces vaches dans la Rukoko pour chercher de l'eau. Dans cette même réserve, des rats sont celles de ces derniers jours. Toute personne qui s'y rend est attrapée par les militaires et remise à l'administration et à la police. La semaine passée, 4 personnes, dont des pêcheurs et des cultivateurs, ont été attrapées et ont été conduites au cachot de police judiciaire à Gihanga et n'ont été relâchées qu'après avoir payé une amende administrative de 25 000 francs burundais chacun. Au début de cette semaine, 5 autres personnes ont été arrêtées. L'administration communale et la police indiquent que toute personne qui sera attrapée dans cette réserve naturelle de la Rukoko sera sanctionnée conformément à la loi, puisque ces gens sont suspectés de collaborer avec les malfaiteurs qui tendent souvent des embuscades sur la RN5, la route de Bujumbura Cibitoke. Merci, Espèce Caritas Kabanyana. Remise ce jeudi de motopompes d'irrigation aux agriculteurs réunis en groupement pré-coopératif des communes Chindajuru, Gisuru et Kinyinya. Ces motopompes leur permettront de faire face aux perturbations climatiques et à pratiquer des cultures irrigables pendant la saison sèche. Les cérémonies de remise de ce don du Fonds belge de sécurité alimentaire se sont déroulées à Nyabigozi, c'est en commune Gisuru de la province Ruyigi, d'où nous appelons notre correspondant Jean-Claude Chimirimana. 3 motopompes d'irrigation par groupement, ce qui fait un total de 9, et le don solennellement remis au jeudi à Nyabigozi, dans la commune Gisuru de la province Ruyigi, aux agriculteurs producteurs de semences sélectionnées organisés en 3 groupements pré-coopératifs, de Gwizumimbu, opérant en commune Chindajuru de la province Changuzo, Twikenule et Koproseki Rumuligwabarini, respectivement opérant dans les communes Gisuru et Kinyinya de la province Ruyigi. Comme contenu dans la convention de cession, ces motopompes d'irrigation sont à moteur diesel et chacune est capable de fournir 30 mètres cubes d'eau par l'heure. Comme contenu dans la convention de cession, ces motopompes d'irrigation sont à moteur diesel et chacune est capable de fournir 30 mètres cubes d'eau par l'heure. Même si chaque motopompe est munie d'un tuyau de refoulement de 100 mètres, elle est capable de refouler l'eau jusqu'à 300 mètres de longueur et à une hauteur manométrique de 13 mètres, comme contenu dans la même convention de cession. Trifo Zendaizeye, présidente du groupement pré-coopératif Trikenoulé, en plus des propos de remerciement, elle dit qu'ils se serviront de ces motopompes pour irriguer les champs chaque fois qu'il y aura tarissement des pluies et qu'ils vont désormais cultiver pendant la grande saison sèche des cultures à court cycle végétatif irrigables sur tous les légumes. Vous saurez que ce don a été octroyé par le Fonds belge de sécurité alimentaire dans 3 communes de la région du Mosso et que les cérémonies de remise ont été rehaussées par la présence du directeur général chargé de la mobilisation pour l'autodéveloppement et la vulgarisation agricole au ministère et à l'agriculture et l'élevage dans ses attributions. Jean-Claude Nshimirimana, Nyabigozi en commune Gisuru, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana depuis Royegui. Quelques nouvelles brèves en actualité internationale avant le reportage du jour, comme je vous l'avais annoncé, qui nous conduira en province de Cibitoke, précisément à Lisabou Marambo, qui est en train de multiplier des vaches de qualité pour les distribuer aux éleveurs afin de développer le secteur agro-pastoral. Ce sera avec Léonce Bitario qui est de retour. En Sierra Leone, 810 personnes sont encore portées disparues 11 jours après les inondations qui ont fait officiellement plus de 500 morts. L'annonce a été faite jeudi par le porte-parole du gouvernement Sierra Leone, Abdoulaye Beitray, qui informe que l'armée et des experts venus d'Espagne vont continuer à la recherche des corps ensevelis. Jusque-là, le nombre de disparus était officiellement évalué à 600. Il s'agit de corps qui seraient toujours sous les habitations effondrées ou emportés par les coulées de boue. Il ajoute que lorsque les recherches seront abandonnées, les zones les plus touchées par les inondations seront scellées et transformées en lieux de mémoire. Et les États-Unis menacent de sanctionner les pays dont la Guinée, la Sierra Leone et l'Érythrée qui refusent de recevoir leurs ressortissants expulsés du territoire. Si des sanctions sont imposées, il sera plus difficile pour les ressortissants de ces pays d'obtenir un visa pour les États-Unis. Selon le département d'État américain, la Guinée, la Sierra Leone et l'Érythrée refusent d'accueillir les citoyens refoulés des États-Unis. À la source, reportage. Les habitants de Marambo et des environs, c'est dans la province de Cibitoke, pourront bénéficier d'ici peu des vaches de race améliorée à partir du centre de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou, se trouvant dans cette localité. C'est là où on est en train de multiplier des vaches de qualité pour les distribuer aux éleveurs. Mais ce n'est pas gratuit, selon le technicien vétérinaire du centre, Lambert Bashira Ishize, qui, de même que les autorités administratives, indiquent que le secteur agro-pastoral va se développer dans cette région. Et le reportage est signé Léonce Vitalio. Après des années d'interruption, le centre de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi à Marambo a repris ses activités en 2016 avec 45 vaches de race frisonne et jersey. Celles-ci se multiplient peu à peu selon le technicien vétérinaire du centre, Lambert Bashira Ishize, qui dit que l'objectif principal est de distribuer ces animaux à la population. Isabou est en train de multiplier ces animaux. À la fin, on va distribuer ces animaux aux alentours, à la population environnante de Cibitoke, de Marambo et de Bouganda, la plaine de Limbo. Le technicien vétérinaire Lambert précise toutefois que la distribution de ces animaux ne sera pas gratuite, seulement les prix ne seront pas élevés car c'est un projet du gouvernement. On va réduire le prix. Les éleveurs de l'environ peuvent avoir de l'espoir parce que c'est l'objectif de l'ISAVO et du gouvernement de distribuer, de vendre ces animaux à des populations qui en ont besoin. Les habitants de Marambo, à qui nous avons tendu le micro, s'impatientent. C'est le cas de Patrick Niomutawazi, qui est aussi agriculteur. Il estime que le seul fumier du chèvre qu'il a aujourd'hui pour ses champs sera complété par celui de la vache qu'il élevera en stabulation. Il a néanmoins des inquiétudes que ces animaux bénéficieront aux plus nantis et de demander que l'on se souvienne également du bas peuple. C'est là où il y aurait une valeur ajoutée. On apprécierait le bon projet de l'État pour nous, tout en considérant la place du petit peuple. Nous souhaitons vraiment qu'il n'y aurait personne qui ne bénéficie de ces animaux. C'est le même point de vue chez Renate Nshimirimana, qui déclare qu'elle se prépare déjà à recevoir au moins une vache chez elle, et en argent et en ce qui est du fourrage. Si le climat va bien, nous voudrions nous préparer pour le fourrage en vue d'avoir à nourrir ces vaches une fois obtenues. Nous nous préparons également en ce qui est de l'argent. Ces animaux sont vraiment d'une grande importance. Nous aimerions bien en avoir. Pour sa part, Béatrice Kaderi, l'administrateur communal de Rugombo, fait un clin d'œil à ses administrés. Il faut bien se préparer, ces animaux sont pour eux. Ce sont des vaches de bonne qualité. Nous lançons donc un appel à la population de se préparer pour se procurer de ces génisses de bonne qualité. À part les vaches, l'Isabou Marambo prévoit aussi l'élevage des porcs et des chèvres qui donnent de la viande. Et le projet sera le même pour les vaches, celui de les distribuer à la population à un prix léger, selon les responsables du centre. Léon Subitaliho, de retour de Marambo en province de Cibitoke. C'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le ministre des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement demande au directeur général de l'Eutraco de sursoir à la mise en application des nouveaux tarifs de contrôle technique des véhicules. De quoi réjouir le président de l'Olicom de lutte contre la corruption. La corruption qui, de l'avis du président de l'organisation Parsem, est devenue une pratique courante dans les institutions étatiques burundaises. Faustin Ndikumana a fait cette observation 7 ans après la déclaration de la tolérance zéro contre ce fléau par le président de la République. Et un jeune garçon de 14 ans a été tué hier soir à coup de machette sur la colline Mukungu en commune Nyanzalak de la province Makamba. L'auteur du forfait, son oncle paternel, a immédiatement été arrêté pour des poursuites judiciaires. Et vous venez de le suivre dans le reportage du jour. Nous avons été à Marambo, en province Cibitoke, avec Léonce Vitério qui nous a conduit à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Zabou, qui est en train de multiplier des vaches de qualité afin de les distribuer aux éleveurs en vue du développement du secteur agropastoral dans la région. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Toussaint Mitevoti a mis en onde ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Un bon après-midi.